Bonjour à tous et bienvenue pour cette 3,5 émission de Laser Podcast. N'importe quoi. C'est la deuxième partie de notre émission spéciale jeux vidéo. Aujourd'hui, nous sommes toujours quatre, hein, François, Laurent, Alain et Dominique. On continue donc cette spéciale jeux vidéo par un jeu dont nous avons joué majoritairement, j'ai envie de dire, puisque nous avons parlé d'Elder Scrolls Online. On a fait quelques allusions lors des dernières émissions. Un peu plus que des allusions, j'ai l'impression. Mais comme il y avait... on n'avait pas droit d'en parler, puisque c'était une bêta fermée. Il y avait la NDA. NDA qui est... Non-disclosure agreement. Voilà. Un truc du genre. Nous avons signé un papier, comme quoi nous n'avons pas le droit d'en parler. Virtuel. Ce qu'on n'a pas forcément respecté à la lettre. On a été dans les limites du raisonnable. Voilà. Mais voilà, donc on est trois à avoir testé Elder Scrolls Online. Et retesté. Et encore retesté. Non, c'est vrai, il y a eu une bêta ouverte et ensuite un stress test. Un gros stress test. C'était une deuxième bêta. Ouais, c'est même plus ouverte que l'autre parce que là, ils avaient envoyé carrément des clés et ils avaient mis des clés disponibles sur le site. Je pense que tous ceux qui avaient envie de jouer ont pu y jouer. Ouais, là, t'avais pas besoin de t'inscrire à la bêta et tu devais attendre de recevoir un truc. Là, tu pouvais limite aller chercher ta clé. Donc, alors, le stress test, ils avaient donné une journée, une heure précise. Classique. Qui a essayé de se connecter à cette heure-là? J'ai essayé. J'avais même pas fini de télécharger la mise à jour. Moi, j'avais testé avant, puisqu'ils ont ouvert les serveurs avant. Le problème, c'est que lors du stress test, j'ai pas pu me connecter. Laurent, je sais que toi, t'as essayé. Je me suis connecté avant. Il faut avouer, il y a eu beaucoup de merde de connexion. Les serveurs, je sais pas si c'est les serveurs qui n'ont pas tenu ou s'il y a eu une connerie quelque part. Parce qu'à 17h, on pouvait pas se connecter. C'était pas possible, et tu changeais de map, tu t'étais déconnecté, ça plantait. Ça, je leur pardonne parce que c'est la bêta, je m'en fous. Mais c'est aussi fait pour ça. Je suis même content qu'ils aient merdouillé là. Le but d'un stress test, c'est aussi de stresser les serveurs pour tester. Ouais, mais là, si tu veux, là, les trois quarts des joueurs pouvaient pas se connecter du tout. Donc, il n'y avait pas de stress test vu qu'on pouvait même pas se connecter. C'est pas faux. Donc, ça tombe, ils ont tout poussé sur un serveur alors que d'habitude, peut-être. Ils en ont plusieurs. Ils essayent peut-être justement aussi. De tester. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à 18h40, je crois à peu près, j'ai réussi à me connecter alors que le stress test était à 18h. Mm-hmm. À partir de là, ça s'est un peu amélioré et dans la fin de soirée, enfin, c'était fluide mais magique quoi. Enfin, bon, il y a encore deux trois trucs, c'est une bêta non plus, mais ça allait en quoi. Moi, je me suis connecté du soir. Bon, j'ai peut-être dû attendre une demi-heure pour me connecter, mais on a réussi à se connecter. On a même joué ensemble une paire de fois. Alors pour ceux qui connaissent pas Elder Scrolls, c'est un RPG. MMO RPG. Oui, avant c'était un RPG. Solo. Donc on est au sixième opus. Donc le deuxième c'était Daggerfall, ensuite Morrowind, ensuite Oblivion. Ensuite Skyrim. Et là on a le nouvel opus qui est cette fois-ci online. Ah, est-ce qu'il fait partie de la lignée ou c'est à part? J'espère qu'il... Non, il est vraiment... Il fait partie de l'univers. Il fait partie... C'est bien l'univers. On voit l'univers. Et je pense que j'ai bien peur qu'il s'arrête là. C'est une grande question. Est-ce qu'ils vont s'arrêter sur l'online et mettre du contenu? J'espère pas. Bah, c'est comme Warcraft. Bah, Warcraft. Pour l'instant, après World of Warcraft, il n'y a plus de Warcraft. Il y a Hearthstone. On aura un jeu de cartes Elder Scrolls, alors. Ouais, ça va être je me demande si ça n'existe pas déjà. Mais il y a eu des jeux mobiles. Mais on verra. Je pense qu'ils sont à fond sur ce projet. Puis ils verront si ça a du succès ou pas. J'ai d'ailleurs découvert qu'il y avait pas, enfin il y avait d'autres jeux Elder Scrolls entre Arena et Morrowind. Il y en avait eu d'autres qui n'ont pas été connus. Non, autre que Daggerfall. C'était. Oui, il devait y avoir pas des FPS, mais d'autres styles, oui, y compris un jeu sur téléphone. Donc dans ce Elder Scrolls Online, pour faire un petit résumé de l'histoire, l'action se déroule 1000 ans avant celle de Skyrim. Et nous avons donc le prince d'Aedra, Molagbal, qui tente d'intégrer les mortels à son plan d'existence. Il essaie de dominer le monde, quoi. Voilà, comme d'hab, quoi. Voilà, c'est un méchant. Il y a un grand méchant qui essaie de tuer tous les gentils. Donc, ce qui fait que le trône de Tamariel est vacant et les différentes races vont essayer de l'occuper. Donc on a plusieurs races qui sont affiliées plus ou moins à une sorte de... Enfin, sans toutes les races classiques des opus précédents. Mais on a trois factions, voilà. On a plusieurs races pour trois factions au total. Donc, pour résumer, on a les O-Elfes, les F des Bois et les Khajiit qui font partie de... Alors, les noms, ça va être une catastrophe. Oh, laisse tomber. Une alliance. Ensuite, on a les Bretons, les Redgar et les Orcs qui font partie d'une autre alliance. Et les Nord-Elfes Noirs Argoniens qui en font partie d'une autre. Chaque faction va commencer dans un endroit différent. Mm-hmm. Donc, moi, je sais que j'avais commencé en tant que Redgar, si je me souviens bien. J'ai commencé dans une zone et on m'a dit que je pouvais aller dans Morrowind directement si je commençais avec une autre faction. Du coup, j'ai direct changé, je crois. Ouais, mais là, tout le contenu n'est pas encore débloqué. T'as une partie de Morrowind, mais c'est ce qu'ils ont bien fait. Il y en a qui disent que c'est moins bien. C'est qu'ils n'ont pas débloqué toutes les villes. Par exemple, si tu veux, dans Skyrim, t'as que Riften, enfin après je sais plus les noms en anglais ou français, mais tu peux accéder qu'à deux villes, je crois. Mm-hmm. Ce qui fait que plus tard, ils pourront mettre du contenu pour débloquer d'autres villes peut-être. Là, t'as des zones qui sont pour l'instant sélectionnées, tu pourras pas... Des zones limitées. Là. Voilà, ça n'empêche que la map est quand même énorme. Hein. Ils promettent du contenu, je vous promets que là, les maps, on a le temps de les explorer. On peut afficher la carte et dézoomer pour voir le monde un peu plus complet et on a du mal à se retrouver. Une anecdote, je dézoome, je fais tiens, c'est marrant, c'est grand cette carte et tout. Et puis je dézoome encore, je fais non, c'est encore plus grand que ça. Je fais putain, c'est excellent, la map est géante. Je redézoome, je fais merde, non, c'est pas possible, il y a encore un dézoom. Bah, l'avantage, c'est qu'ils ont derrière eux 6 jeux qui, pour moi, et plus. Sur lesquels ils peuvent se baser. Un univers complet, ouais. Les univers connus, c'est surtout Morrowind. À partir de Morrowind, les autres avant, c'était un peu moins. Ah voilà, le problème, c'est que quand tu arrives à Daggerfall, tu fais bon. Voilà. Vous êtes bien gentil, mais moi, j'ai commencé à jouer à ces jeux-là avec Daggerfall. Donc j'étais content. C'est pour ça que j'ai choisi la section de Daggerfall. Graphiquement, le jeu a tellement rien à voir. Quelque peu changé. On peut pas se dire, ah, je suis à la maison. Tiens donc. Ça n'a rien à voir. C'est comme si on allait et on regardait un film en noir et blanc, puis on voyait la zone, actuellement, enfin, les lieux de tournage en couleur, on reconnaîtrait pas, c'est normal. Mais voilà quoi. C'est vrai que ça fait vraiment bizarre. Mais moi, c'est pareil, moi, ce que j'attends de ce jeu, c'est de redécouvrir des endroits où j'étais avant. Aussi, ouais, puis retrouver les sensations. Comment s'appelait cette grosse ville de Morrowind Cyrodiil. Voilà. Non, celle en... C'était en forme de... Si je me souviens, c'était un grand... C'était la cité impériale. Un grand bâtiment carré. Imperial City, non ? Il y a tellement de... Vivec. Voilà. Quel bordel. Je ne sais pas, peut-être... Est-ce qu'elle est déjà là ? Enfin, bon, on verra. Bah, j'ai recommencé dans une autre faction, mais le problème, c'est que la bêta s'est terminée avant que j'arrive au niveau suffisant. Le truc, c'est que tu arrives dans une première région qui est plus ou moins un tutoriel. Enfin, t'as le tutoriel de début, t'arrives une zone de départ qui est assez bas niveau, et après, tu passes dans une autre zone. Et c'est vraiment du classique, MMO classique. Voilà. Sauf que voilà, avec les millions de joueurs qui ont joué à tous les jeux de la série des Elder Scrolls depuis le début ou pas. Je suis d'accord, ça ressemble à beaucoup des MMO qui existent, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus poussé, notamment au niveau de l'exploration. Je me suis jamais senti aussi, pas forcément obligé, mais j'ai vraiment eu envie de faire de l'exploration, contrairement à d'autres jeux. J'en ai testé, les World of Warcraft et Age of Conan, j'aimais bien me balader, mais là c'est vrai que dans Elder Scrolls Online, j'en ai pris un plaisir fou, j'ai passé la moitié de mon temps à jouer, à explorer, à rien faire. Et t'as l'impression de gagner de l'XP, en plus tu gagnes des sortes de cartes où t'as une sorte de dessin fait au crayon. Une carte au trésor, donc tu vois juste un dessin de rocher avec un arbre et une croix. Et des merdes. Donc tu te retrouves tous les 5 minutes à regarder ta carte en disant c'est peut-être ici, ça y est, j'y suis. C'est amusant parce que quand on est dans le jeu et qu'on voit les autres joueurs à côté de soi, on voit des joueurs qui tout à coup sortent un papier. il est en train de lire son journal dans la nature. Non, il est en train de consulter sa carte. Et tu as plein de joueurs au même endroit, à peu près en train de regarder la carte, essayer de retrouver l'endroit où il est caché le trésor. C'est super amusant. Il y en a pas mal des trésors et le problème. Moi, j'ai trouvé plusieurs trésors, et quand j'en ai trouvé un, je fais, mais bon, alors, on va prendre les éléments les plus importants, il y a un énorme arbre, bon, là, il y a une plage, il y a un truc couché, puis t'arrives au vrai lieu, tu fais, c'est pas vraiment comme ça, là, sur la carte, et là, c'est pas vraiment le même arbre, mais c'est bien, là, donc c'est un à peu près de carte de trésor. Bien fait, heureusement. Ouais. Ouais, je me souviens, on se baladait à deux et on avait la même carte. Donc on savait qu'on allait trouver le même trésor. Et tout d'un coup, il tombe sur un amas de terre, il fait... Ouais. Oh, c'est un trésor. Et je regarde la carte, je fais ah bah ouais. Par j'ai putain la chance, on l'aurait jamais trouvé. Quoi. On sera encore en train de le chercher alors qu'il est. Donc, et faut savoir que ça vaut tellement le coup de chercher ces trésors. Bon. Bah c'est plus le principe de dire j'ai trouvé. T'es content d'avoir trouvé le trésor parce que ce qu'il y a dedans, bon, tu peux pas. Bon, des fois, il y a des objets rares, on va dire, qui ont des caractéristiques un peu mieux. Mais c'est pas le but du jeu, quoi. Voilà, c'est plus. Enfin, t'es content de le trouver. Donc, un gros point fort du jeu pour moi, c'est vraiment l'évolution des personnages, les systèmes des skills que tu gagnes au fur et à mesure. Donc, en gros, si vous commencez à vous battre à l'épée bouclier, vous allez gagner plus ou moins de l'expérience dans ce domaine. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Alors, je sais pas si c'est innovant pour le MMO. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. J'ai pas vu ça. Et... Ça reprend surtout le système de Elder Scrolls qui a évolué entre les différents jeux en plus. Voilà. En fonction des compétences que tu utilises, voilà, tu peux les améliorer, tu améliores ta branche et tout. C'est caractéristique quand on gagne un niveau, on a un point de compétence ou plus à dépenser. Et où est-ce qu'on va le mettre? Au début, on n'a pas trop le choix, parce qu'on n'a qu'une ou deux compétences, l'armure ou les compétences raciales. On n'a pas trop le choix. L'artisanat, on peut. Les pouvoirs raciaux, ou les pouvoirs de guilde. C'est pas tellement gênant, mais au bout d'un moment, on commence à avoir plus en plus de choix, et qu'on n'a qu'un point à mettre, c'est pas évident de savoir où le mettre. C'est un bordel pas possible. Ce qui est génial, c'est que si tu rejoins une guilde ou une faction, tu vas débloquer automatiquement des nouveaux skills. Nouveau pool de compétences. Donc si tu rejoins la guilde de guerrier, tu vas avoir dans tes skills des points que tu pourras dépenser dans la guilde de guerrier. Quoi. Donc à chaque fois des skills différents, et à ce niveau-là c'est vraiment intéressant. Ça donne envie à chaque fois d'améliorer, enfin de progresser pour gagner tout de suite un point de compétence pour... En plus, tu vois les sœurs niveau 10, tu fais merde, il faut vraiment que je pousse dans cette compétence-là. Voilà, mais si tu te spécialises là-dedans, tu vas peut-être pas. C'est pas évident. T'as hâte de voir ton personnage progresser. Il y en a peut-être, mais c'est pas un mal non plus. Quoi. Après, ouais, encore, on n'a rien vu. Dans la bêta, on n'a rien vu, mais quand je vois qu'après, il y aura les loups-garous, les vampires. Ça va être un bordel. J'ai déjà vu des previews, des skills qu'il pourrait y avoir. Ça risque d'être un carnage. Il y en a même qui sont déjà en train de râler. C'est bien. Au niveau de l'expérience, tu gagnes beaucoup plus d'expérience en faisant une quête qu'en tuant des monstres. Je savais même pas qu'on gagnait de l'expérience en tuant des monstres, pour te dire. Je regarde jamais ma barre d'expérience personnellement. C'est tiens, j'ai monté un niveau. Oh, j'ai encore monté un niveau. Donc moi, ensuite, une fois que t'as... Vas-y. Sur la bêta, toi tu vas passer plus de temps à explorer. Moi j'ai passé plus de temps à chercher comment vider mes sacs. Un gros parce problème. Que voilà. C'est toi qui se mets des trucs partout là sur la route. Tu récoltes, tu tapes et tout, mais les inventaires sont très limités. C'est limité. Et c'est très difficile, je passais plus de temps à passer entre ma banque et les outils d'artisanat à essayer de convertir des objets, puis à finir, je revendais tout ce que je trouvais, j'en avais marre, je me suis dit, c'est que la bêta, je revends tout, tant pis, j'en avais marre. Mais même quand le jeu va sortir, on va toujours être dans la même galère, même la banque, c'est cher et limité pour grandir, quoi. Donc ça va être un petit point négatif, t'as pas de sac, tu peux pas porter un autre sac, ce qui fait un côté un peu plus réaliste. Ne blâme pas, parce que dans parler de réalisme, dans le premier, j'ai joué à Daggerfall. Dans Daggerfall, tu te promenais avec un. Tu pouvais avoir un cheval ou un âne, je ne sais plus trop, qui te permet de porter plus de choses, et une charrette au bout d'un moment. Sauf que tu déplaçais toujours ton perso. Et je me souviens que mon perso était tellement fort qu'à la fin, je sautais par-dessus les montagnes et les rues avec mon âne et ma charrette. Donc, le réalisme et les Elder Scrolls, faut pas chercher non plus. Peut-être loin. De lag d'un God Simulator. C'est pas. Peut-être que j'ai. Dans Morrowind, dès le début, t'avais un mec qui tombait avec des bottes de saut. Qui donnait, à la base, tu pouvais arriver jusqu'à 20 ou 30 en saut, et là, ça te donnait plus 300, je crois. Et tu te retrouvais à sauter à l'autre bout de la map. Donc, si tu tombais dans l'eau, ça allait. Si tu tombais pas dans l'eau, t'avais mal au genou. Sinon. Mais grâce à ça, il y a des mecs qui ont fini le jeu en 12 minutes, je crois. Ouais. Ils allaient chercher les parchemins, ils prenaient un sort de vol. Voilà, la durée de vie du jeu de Elder Scrolls Online, on verra. On verra s'il y a beaucoup de monde dessus. Il paraît. Parce que c'est quand même un jeu où il faut payer le jeu à la base. Abonnement. Et ça va... Ça va faire beaucoup de mécontents. À notre époque. Même moi, je sais qu'Alain, il jouera pas rien pour ça. Forte chance. Eh ben, t'as qu'à arrêter de fumer. Eh oui. Non, qu'est-ce que c'est que 12 € par mois, après tout. C'est pas faux. Non, je sais bien. Quand t'as une famille et que tu vas au cinéma... Non, mais après, c'est pas ça. C'est... Voilà. Je pense pas y jouer longtemps. C'est une question de temps. Je pense pas jouer beaucoup. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est que tu peux jouer solo. Le week-end ou... Tu peux jouer solo, tu peux faire ta petite quête. Si t'es vraiment fan d'Elder Scrolls, de toute façon... Tu joues solo. C'est... Oh. Elder Scrolls, à la base... T'as moins l'impression que d'un autre MMO où on te dit « Allez tuer 20 bestioles. Allez récupérer 50 objets. » Quelquefois, t'as des quêtes comme ça, mais genre... C'est assez rare et tu te retrouves toujours à faire des trucs. T'as l'impression de jouer à un jeu solo. Et quand on joue en multi, quelquefois, je me dis « Mais ça sert à rien qu'on soit à deux parce que tout compte fait, les PNJ, ils interagissent que pour la personne. Ouais. » Ce qui veut dire que si t'as ton collègue qui est moins avancé dans la quête, il verra pas le même PNJ que toi. Et ça, c'est vraiment excellent, quoi. Parce que quelquefois, tu vois des gars s'arrêter nulle part, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train de parler. Et t'avances dans la quête et tu te rends compte qu'après, t'as un truc. Toi, tu es en train d'escalader d'une tour et que le joueur à côté de toi, pour lui, la tour est réduite en cendres et. Et même mieux que ça, il y a des villes entières. T'as des villes qui sont attaquées, qui sont limite en feu, et quand tu t'éradiques la menace de loup-garou, j'en sais rien. Bah, il y a une ville de garde avec des marchands et tout, puis t'as des mecs qui se baladent, tu vois, ils s'arrêtent, puis t'as des mobs à côté. Enfin, mais il fait quoi ? Il veut mourir. Ouais, quand t'as pas la quête, tu vois le gars rentrer dans le feu. Ça me dérange, c'est bien géré. C'est étrange. Ouais. Non, c'est vraiment bien géré. Non, c'est bien géré parce que tu peux pas. Enfin, je sais pas, s'ils sont pas en groupe, tu les verras peut-être pas dans la même ville en fait. Si t'es en groupe avec un mec, je pense que les deux univers se rapprochent. Enfin, il y a des sujets là-dessus, j'ai pas bien étudié le sujet. C'est vraiment un monde vivant. Erreur à ne pas faire. Lorsque vous commencez le jeu, ne vous alliez pas avec quelqu'un. Ah. Parce que j'ai commencé deux fois le jeu. La première fois, on a commencé, on s'est directement alliés ensemble. C'est vrai. Et t'as une grande salle avec plein de coffres. Donc, et Dom avait commencé juste avant. Et il avait fouillé tous les coffres. Moi, j'arrive, tout était vide. Quoi. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel ? Pourquoi ils mettent autant de coffres alors que je suis tous vides ? J'ai recommencé après un autre perso. Tous les coffres étaient pleins. Ah bon ? Il y a plus de 150 coffres. Je me suis dit, mais mon Dieu. J'avoue que la première heure de jeu, j'ai dû passer 55 minutes à fouiller des coffres. Et c'est génial. Non, mais tu sors de là, t'as un sac plein. Bon, la première fois que j'ai joué, j'étais à poil quand je suis sorti. Je connaissais toutes les recettes de bière, de cuisine, de fromage. J'avoue que c'est un vrai avantage de fouiller tous les coffres. Et même dans le jeu, après, fouiller mais des containers ou tout, n'importe quoi, mais t'en as partout et tu peux interagir avec presque la moitié des barils. Dans la nature, il y avait quelqu'un qui était attaqué à... Un personnage qui était attaqué par un monstre, et moi j'allais chercher des plantes à côté. Un coffre. Je viens t'aider plus tard, je vais ouvrir mon coffre. C'est vrai que quelquefois t'as des runes sur la map. Oh là là. Et quand t'es à deux, s'il y en a qui prend la rune, l'autre l'aura pas. Ça fait. Et c'est je me souviens m'être fait traiter par Laurent. Mais putain, je suis en train de me faire attaquer par trois personnes là, je suis en train de prendre la rune. Bah, pas de problème. Je vois pas le problème, moi. Je sais pas. Le mec qui est en train de crever, il y a un coffre et tout. Des coffres qui sont en passant plus ou moins rares que tu trouves dans la nature. On se rue dessus, quoi. C'est limite, tu vois un mec au loin, il y a vu le coffre aussi. Peut-être. Mais comment on va faire pour l'avoir en premier, quoi. Et après, il y a une grosse partie de PVP, MCM. Justement, pas du tout j'allais comment ça marchait. Moi, j'ai testé le PVP. Ah, alors, je sais qu'avec Laurent, on a essayé tous les deux, il est resté. C'est la bêta, hein, donc il est resté bloqué sur l'écran de chargement. Ah, ouais, en fait, j'ai planté mon perso. J'ai voulu me connecter à Cyrodiil, vu que c'est la map qui fait le PVP. À chaque fois que je voulais me reconnecter à mon perso, il était caché. Ah, et il était à Cyrodiil. Le problème, c'est que la map de Cyrodiil, elle était un peu surchargée. Donc en gros, au stress test. Donc c'était mort. Donc après, ils ont désactivé le PVP. Du coup, mon perso était remis sur les maps. D'accord. J'avais testé. Quand je me suis découvert, j'ai pu réussir à me connecter. Donc j'ai testé. Lorsque tu atteins le level 10, tu peux rejoindre cette campagne PVP. Mm-hmm. Et les trois différentes factions se retrouvent sur une grande carte ensemble pour se frapper. Donc c'est fini le PVP une alliance contre une alliance, là c'est 3. C'est pas un nouveau mais ouais, donc tu as plein de quêtes apparemment sur ta zone puisque tu as des grandes zones par faction. Mm-hmm. Et tu as des points stratégiques, tu vas avoir un fort, une ville, couper du bois, des points de ressources. Une série, merci. Voilà. Et tu vas devoir défendre ces points. Et le problème, c'est que tu as deux alliances qui se retrouvent contre toi, ou zéro, ça dépend comment elles se dirigent. Et tu as vraiment beaucoup de joueurs, tu passes un temps fou à marcher pour aller à l'autre point, c'est un vrai bordel. Si tu es organisé, moi j'ai vu les gars étaient bien organisés, ils avançaient par groupe. Non, malheureusement, j'étais dans la faction qui était en train de se faire démonter. mais je voyais, ils avançaient bien en groupe, ils arrivaient à prendre chaque point. Et moi, à chaque fois, j'apparaissais, je faisais toute la route pour aller voir les joueurs et j'arrivais devant 50 joueurs. Et tu mourrais. Alors, le petit point de défaut, c'est qu'en PVP, si t'as 10 personnes en face de toi, tu vas rien voir venir, quoi. Normal. Tes skills, les jeux de blocs, les machins, t'oublies. Hein. C'est fini. Normal. Tu te prends deux sorts, tu te retrouves à te faire expulser sur 10 mètres. Mais je pense qu'il y a vraiment une ampleur au niveau du PVP qui est vachement intéressante. Ah, mais c'est vraiment marrant, le truc des trois factions, parce que tu te dis, merde, on est en train de se faire... Tu peux pas, voilà. En train de se faire démonter là, mais en fait, les rouges... sont en train d'attaquer les jaunes, et les jaunes attaquent les bleus, et les bleus attaquent les rouges. Voilà, si quelqu'un prend la tête, les deux autres vont se retrouver sur lui, c'est le principe de l'équilibrage, comme on voit dans d'autres jeux déjà. Donc à chaque fois que tu captures un nouveau point, tu as la possibilité de réapparaître là, etc. D'accord, et tu gagnes des bonus, tu peux faire des quêtes, etc. C'est... Moi, je suis pas forcément un joueur très PVP, mais j'ai trouvé ça sympa. Après, faut pas te retrouver tout seul contre 50. Normal. Ah oui, c'est clair. Et même en PVP, il y a de l'exploration. Oui, ah oui. J'ai passé plus de temps à marcher. Quoi. Et de la récolte, je suppose. Voilà. J'ai réussi à tuer... J'avais une quête, c'était tuer 20 joueurs, j'en ai tué 12. Mais à chaque fois, j'étais tout seul. Et c'est parce que j'ai chopé un gars qui s'était un peu trop éloigné de son groupe, que j'avais pisté depuis 3 heures. Voilà. Et je l'ai pris par surprise. Il pissait sur un arbre. Il était en train de récolter. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Il est en train de lire son journal dans la nature. Il y a un arbre qui ressemble à ma carte. Oh, des cartes trésors dans la zone PVP, ça peut être sympa aussi. Ah, bon, tout le monde, il y a des mecs qui squattent à l'emplacement et fait non, tu n'iras pas chercher ton trésor. On verra. Un autre gros élément intéressant au niveau d'Elder Scrolls Online, c'est le craft. Moi, j'ai vraiment trouvé ça vraiment, vraiment sympa. Dans les autres jeux, à chaque fois, je me dis c'est inutile, je vais crafter une armure blanche. Et je vais récupérer un objet violet, donc épique, et un objet normal pour le blanc. Et je me dis, à chaque fois, ça sert à rien. Et dans Elder Scrolls, je me suis retrouvé à chaque niveau à faire ma nouvelle armure, à aller récolter mes pierres pour la faire. Au début, je trouvais ça pas nécessaire, mais après, c'est vrai que j'ai vu qu'on pouvait améliorer chacune des armures. Et customiser et faire des trucs différents, ça devient plus amusant. En fait, j'ai envie de tester plusieurs, tu peux améliorer tes armures. Donc, à la base, tu craftes une armure blanche. Et au fur et à mesure des quêtes, tout ça, tu peux récupérer des objets qui améliorent le blanc, en fait. Donc, tu peux très bien avoir des objets qui améliorent en bleu, bleus qui améliorent en vert. Et moi, j'ai trouvé des trucs gold et épiques. Et je fais, ouais, c'est génial. Je savais pas qu'on pouvait les utiliser là-dedans. Peut-être pas à très bas niveau, quoi. Mais bon. Mais quand tu craftes... J'en ai trouvé un gold. Hein, Selon le nombre de matières premières que tu mets, tu peux booster le niveau de l'armure. Ouais. Ensuite, on a un deuxième qui donne le style de l'armure, que ça soit orc, etc. Oui. T'en as un troisième qui définit si tu vas avoir des bonus de bonus. Et je sais plus s'il y a autre chose. Bonus de compétences ou des bonus aux dégâts de feu ou des choses comme ça. Oui. Donc voilà, tu gères l'apparence, tu gères le niveau, tu gères les. Ça demande ensuite, des ressources, mais bon. Et ensuite, tu peux améliorer, une fois que tu as créé cette pièce, tu peux l'améliorer. Tu as une chance de l'enchanter, tu as une chance aussi de l'améliorer. Tu as l'enchantement et l'amélioration. Mm-hmm. Donc vraiment, il est très poussé. C'est poussé, ouais. Je me suis retrouvé, en fait, à faire de l'exploration et du craft. C'est ça. Et quelquefois, je faisais une quête parce que j'avais envie de monter de niveau, quoi. Mais... D'ailleurs, monter de niveau, c'est quand tu craftes, c'est aussi important parce que tu dois améliorer ton niveau en craft, par exemple, en tailleur, pour débloquer les matériaux d'après, pour pouvoir les utiliser. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus, t'as pas le choix, tu peux pas... La chose que tu peux débloquer, c'est les styles. Par exemple, le style visuel orc, etc. C'est le seul moyen de les trouver, c'est de trouver des livres dans la nature qui parlent des orcs et tu apprends le style des orcs et tu as le droit de crafter des armures de style orc. Sinon, tu n'as pas le droit, tu peux pas faire autrement. Petit détail aussi qui lie l'exploration et le craft. Tu peux trouver des fois des sortes de salles dans la nature qui ont à l'intérieur des tables de craft. Donc, t'as un truc de blacksmith, le tailleur, par exemple, et compagnie. Oui. Et les tables ont un bonus. En fait, quand tu craftes un objet sur cette table-là, tu as une chance d'avoir le bonus de Magnus, par exemple, qui te donne à ton objet quelque chose de spécial. Ouais. Donc, d'où l'intérêt d'explorer, trouver une salle et tout comme ça. Tiens, on peut crafter là-dedans, avoir un bonus et tout. C'est intéressant. Et il y a pas mal de... Apparemment, il y en aurait plusieurs et tu pourrais faire beaucoup de mélanges comme ça. Ça pourrait être intéressant, ça. Bon, je vous propose de faire une petite pause album découverte ou une pause musicale complète. Oula, j'ai peur. Une pause, en tout cas. Allez, on fait une petite pause musicale. Ensuite, on se retrouve rapidement pour parler de Doom. 4 Doom. De la nouvelle extension de Diablo 3, et on finira par notre quiz musical spécial jeu vidéo. Allez, je suis impatient de tester tout ça. Et on se retrouve donc juste tout à l'heure. À toutes. Et on poursuit donc cette émission avec une petite actualité, puisqu'on a des rumeurs sur le nouveau Doom qui devrait faire son apparition dans plusieurs mois, je pense. À mon avis, beaucoup plus. On en est toujours au stade des rumeurs. Donc, ça sera l'opus de Doom 4. Alors, j'avais un petit quiz, justement. Est-ce que vous sauriez me dire quand est sorti le premier Doom ? Quelle année ? Alors attends, j'ai joué au 2 en 80. Pour moi, c'est début 90. Début 90. Donc je dirais 92. 92, ouais. Dom 92, 92, 92 oui. J'étais pas né. Le 2, je dis. Le 2, c'est 95. Le 2 est effectivement en 95, si je me souviens bien. Non, Doom 2 L. On Earth, 1994. Il y a les extensions. Donc c'est encore plus récent. Le premier Doom est en 1993. Ouais. T'étais pas loin là. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup entre les deux opus. Donc voilà, donc on a un nouvel opus de Doom qui va sortir, sachant que le dernier, le Doom 3, est sorti en 2004. Donc depuis ce long calme plat, on a eu quelques annonces de John Carmack en 2008 qui annonçait un développement du nouveau projet. Mais là, enfin, apparemment, il se concrétise. John Carmack a quitté id Software. Depuis, oui. Eh ben, apparemment, ça sortira. Il n'y a pas longtemps. Oui, il n'y a pas longtemps. Donc, ça se finira sans lui. Je ne sais pas s'il faisait encore grand-chose. Hein. Mais bon. Il était sur son... Je ne sais plus le nom. Son système de réalité virtuelle de casque, là. Mm-hmm. Et comme id Software ne suivait pas le mouvement, il a décidé de quitter le... quitter chez Ubisoft pour partir. Alors, je pense que Doom sera sorti sur le studio Bethesda. Bethesda. Ouais, Bethesda, oui, c'est vrai que c'est plus. Donc peut-être que John Carmack est toujours dans le process, à savoir. Donc en tout cas, on a eu cette rumeur parce que lorsque les joueurs achètent pré-order Wolfenstein, le nouveau Wolfenstein qui va sortir, qui est attendu aussi, ils auront donc un accès plus ou moins anticipé à la bêta de Doom 4. Je suis pas sûr que ça soit une raison pour acheter Wolfenstein. Le Doom déjà le 3. C'était plus un moteur de démonstration qu'un bon jeu. Oui, c'est ça. C'est vrai. Après, moi, j'y ai joué et s'ils voulaient faire une ambiance plus ou moins horreur ou en tout cas flippante. Elle était bonne, l'ambiance. Moi, je sais que j'ai arrêté d'y jouer parce que j'avais commencé à jouer dans le noir avec mon casque. J'en ai chié dans mon froc. Moi, j'ai passé tellement de journées sur Doom 2. Oh là là là là. Parce que j'aime bien, c'était vraiment la première fois où vraiment, avec les effets de lumière, on pouvait se faire vraiment surprendre. Ah bah oui, mais parce que t'avais ton flingue. Ou la lampe torche. Mmh. Je dis bien ouf. Donc ça, tu te balades avec ta lampe torche, tu voyais un monstre et là, c'était le stress total. Non, donc tu tires une balle de temps en temps. Voilà, ça fonctionnait. Mais dans Doom, une balle. les balles sont chères. Mais c'est vrai que les deux premiers, Doom 1, Doom 2, je me souviens qu'on les a retournés, surtout qu'on avait des modes en réseau local. Ah, il y avait tellement de jeux en réseau local. C'était un carnage. Les bons vieux cap série. Ouais. Donc en tout cas, pour le Wolfenstein qui va sortir, apparemment, on aura un FPS qui ne révolutionnera rien dans le genre. Mais je pense que ça va suivre ce qu'ils ont c'est fait. C'est pas évident de révolutionner d'un autre côté, mais bon. Donc malheureusement, je pense que Doom sortira également sur des consoles. Aïe aïe aïe. Oh bah comme tout. Alors peut-être pas la PS3 et la Xbox 360, parce que d'ici là, je pense que tout le monde, tous les jeux seront déjà sur la PS4 et la Xbox One. Bah, à mon avis, c'est pas l'idée justement de le sortir sur la PS3 et Xbox 360. Bah malheureusement, et apparemment, les FPS vont quand. Je n'arrive même pas à imaginer comment on peut jouer à Doom. Une manette. Mais bon. Encore Doom 1. Avec une manette. Ah oui. Gauche-droite. Pourquoi pas main, oui. On peut pas sauter. On peut regarder en l'air. Tu peux pas regarder en l'air, tu tournes gauche-droite. Bon, tu éventuellement. Voilà. Mais bon, les Doom 3, le Wolfenstein et le Doom 4, je pense que ça sera mission impossible, quoi. Auto-aim. On en parlait dans la dernière émission. Pour les joueurs acharnés sur PC comme nous, oui, c'est impensable. Mais bon. Donc voilà, c'était une petite actualité comme ça. Autre actualité que Laurent nous a dégoté sur le net. Alors, je ne savais pas qu'il y avait un Mafia 3 en développement. Je ne me souvenais même plus qu'il y avait un Mafia 2. Honte à toi. Je l'ai attendu des années. C'est méchant quand même. Ce Mafia 2, alors on avait exploité le 1 de façon abusive. C'est le cas de le dire. Ces courses folles à 10 km/h dans les rues de Chicago, je ne sais pas quelle ville. où ta voiture ne montait même pas le pont sur le Mafia 1. Il fallait descendre pour toucher, c'est ça. Les premières voitures que t'avais un pont, c'était fini. Tu finissais à pied parce que. Tu dépassais les voitures à pied. Et c'est là que tu rattrapais tes ennemis quand ils faisaient une course forcite, c'est dans les ponts. Ils allaient à reculons, c'est bon, je vais les avoir. T'as raté le moteur, t'écrasais ton ennemi. Voilà. Et le Mafia 2, moi j'avais été un peu déçu parce qu'il y avait moins de. Contenu. Libre, enfin, j'ai envie de dire. T'étais plus libre dans le 1 que dans le 2. Le 2, tu devais suivre l'histoire et tu pouvais pas tourner dans la rue à gauche. Ça faisait au début, moins GTE dans le sens où on est vraiment libre de faire. En fait, c'est compliqué et ils ont sorti des extensions un peu trop, mais toujours plus ou moins dans l'histoire. Mais par exemple, par rapport au Mafia 1, t'avais un mode free ride. Tu pouvais te balader dans la ville, faire ce que tu voulais. Mafia 2, tu finissais l'histoire. Bon, vous voulez recommencer à quel niveau de la mission, quel niveau d'histoire ? C'est pour ça que peut-être bon le 3, on aimerait bien savoir ce qui se passe parce que dans les DLC, on n'en sait pas plus sur la fin. Ouais, et la Mafia 2, il y en a beaucoup qui ont râlé, moi y compris. Moi aussi. C'est du n'importe quoi. Complètement déçu. Quitte à faire du spoil parce que moi je l'ai pas vu la fin. En fait, t'as ton coéquipier depuis le début. Je spoil, j'en ai rien à foutre. Vous vous séparez, quoi, mais... Vous vous faites arrêter, on se fait arrêter tous les deux. Toi, t'es dans une voiture. Lui, dans l'autre. Lui, dans une autre voiture. Tu supposes qu'il s'est fait tuer. Non, il se barre dans la voiture avec les autres, et fin du jeu. C'est génial, c'est génial. Ça a annoncé la suite, alors. Voilà, donc c'était une ouverture. Ah ouais, bah la alors, suite... peut-être une extension qui te permettait de jouer l'autre personnage. C'est d'ailleurs pour ça que les DLC sont bien vendus, puisque moi, pareil, j'ai acheté le DLC. En espérant que, mais en fait, non. Les DLC, ça n'a rien à voir. On fait l'histoire avec un autre personnage qui est déjà dans le jeu. Et en fait, on va pas plus loin. On n'apprend pas vraiment plus de choses. Il y a eu la même chose dans GTA à partir du... Alors, le 3, peut-être pas, mais le 4. où il y avait beaucoup de DLC, enfin beaucoup. Il y a eu quelques DLC avec des personnages secondaires, voilà. Qui permettaient de jouer une version différente de l'histoire. C'est ça. En fait, c'était ça. Mais normalement, ça n'a pas résolu la fin. Alors que dans le 1, c'était clair. Tu mourrais à la fin. Dans le Mafia 1, on t'avait... c'est pas un flashback, c'est un... post-back un flash-post flash-forward. Donc une vision dans le futur où on voyait le gars qui arrosait son jardin et il se faisait descendre par des mafieux qui... Je suis navré pour le spoil. Au moins, c'était réglé, quoi. Tu savais que s'il y avait un Mafia 2, ça serait complètement une nouvelle histoire. Là, il n'y a pas de fin. Donc le Mafia 3 prendra sûrement la suite, je pense. Si, il sort un jour, parce qu'apparemment, il y a pas mal de... Voilà, donc... Alors, la news, c'est que le studio qui était en charge du développement a fermé. C'est intéressant. Génial. Mais c'est pas non plus surprenant dans le monde du jeu vidéo. Donc, c'est pas un obstacle à la sortie des jeux vidéo. C'est clair. Ça peut être bénéfique, des fois. Il y en a qui auraient dû fermer, et qui ont fini. Le studio 2K Czech, basé à Prague, qui était à l'origine de la licence Mafia, vient de fermer. Et c'est donc l'éditeur 2K UK... Alors pour moi, c'est la même chose, en gros. Ils ont changé le bureau de développement. Hein. Mais c'est peut-être un problème fiscal aussi. Hein. Enfin, en Californie. C'est à San Francisco aussi, Luca. Peut-être qu'ils vont reprendre. Donc studio 2K à Novato. Oh, c'est un 2K Games. Ah, dis donc. Donc est-ce que c'est vraiment fermé ou ça a été déplacé hein? Parce qu'honnêtement, les pays de l'Est, au niveau des pays de l'Est, ils font de très bonnes choses en jeux vidéo. Hein. Ils travaillent plus. Hein. Pour jouer plus. Pour moins cher. Il suffit de prendre Metro 2033, c'est excellent. Le deuxième un peu moins, mais... C'était quoi, c'est un FPS ? Un FPS, ouais. Ah ouais, il était vraiment excellent. Le 2, j'ai un peu moins accroché. Apparemment, il était bien. Bah ici, si on continue dans la lignée Mafia 1, Mafia 2, le Mafia 3, je ne vais pas l'installer, quoi. Bon, moi, j'espère qu'ils vont apprendre de leurs erreurs, parce que le 1 était génial. Même quand t'avais fini le jeu, t'avais des trucs optionnels, les voitures cachées, l'homme invisible que je t'ai fait bugger. Bon, on va dire que s'ils n'ont pas de chance, ils sortiront en même temps que GTA 5 sur PC. Ah, c'est vrai, celui-là, on finit par l'oublier à force. Ouais, il y arrivera. J'abandonne. Il y a des rumeurs, j'entends des rumeurs. Normalement, c'est avril. Ah bon ? Ouais, il y a des rumeurs un peu. Toujours. Tout et n'importe quoi. Apparemment, là, ça se confirmerait. Il est en développement. Il y a des trucs concrets qui font qu'ils ont travaillé dessus. Il sort toujours 6 mois après. Est-ce qu'on aura encore envie d'y jouer à ce moment-là ? Non, j'ai regardé des vidéos des mecs qui jouent en groupe. Il y a vraiment de quoi s'éclater. Il y a vraiment de quoi faire. Mais bon. En groupe, tu peux vraiment t'amuser. Ouais, mais c'est le cas avec tellement de jeux. Yes. En avril, c'est-à-dire qu'ils sortiront en même temps d'un autre jeu dont on a parlé tout à l'heure. Un jeu online, on peut s'éclater en groupe. Si c'est le genre de version où t'as encore les messages genre appuyer sur le bouton A vert et que t'es en train de jouer sur PC, tu te fais merde. Je sais plus c'était quel jeu, ils avaient sorti une version comme ça. Je me demande si c'est pas Oblivion d'ailleurs. Hein. Peut-être. Non, je sais pas. En tout cas, GTA ont clairement développé pour console dès le début. Parce qu'ils savent que tous les GTA ont été prévus pour console dès le début. Tous les GTA sont d'abord sortis. GTA 1 est sorti. Non, GTA 1 et 2, mais celui-là, ils sont à part. Ah non, c'est un GTA. Ils sont à part, c'est pas le même. GTA London. Moi, je me souviens du premier GTA. Hein. Tu peux écraser des gens, ça te fait gagner des points. Quoi ? Le 2, ça va. Le 2, parce qu'on y a joué. Quoi. En réseau, c'est bien éclaté avec. Et moi, mais tous les GTA ont toujours eu un décalage d'au moins 6 mois. Il est sorti quand là actuellement ? Premier, enfin le GTA 5, GTA 5 il est sorti. Il est sorti sur PS3, sur 3 mois plus. Combien de temps ? Ça fait longtemps. J'avais complètement oublié, tu vois. Je suis sûr qu'aucun d'entre nous a joué. Peut-être 4 mois. Maintenant. Pourtant, toi, t'as des consoles, hein. Tu as pas joué ? Bah non, j'ai pas envie d'y jouer avec une PC. Manette, voilà, c'est pour ça. Pour moi, headshot, je fais le headshot. C'est pas, on me dit, tiens, coup de chance, t'as fait un headshot. Ah bah mince. Appuie sur R2. Je vais faire le headshot à ta place. C'est pas pareil. Auto-aim. Comment on peut concevoir du FPS ou un truc de visée? C'est pas vraiment un FPS, hein. Enfin, ouais, mais dès que t'as quelque chose de visé. D'ailleurs, c'est un point qui m'avait déplu sur Mafia 2, c'est qu'à la fin, j'avais l'impression de faire que du shoot, quoi. D'aller me taper, d'aller vider des usines et tout, d'utiliser que le gun. Pas dérangé. J'ai recommencé vu que j'en ai parlé il y a pas longtemps. Je fais tiens, j'ai joué, j'en ai parlé il y a 2 jours, j'ai joué, je suis bientôt à la fin du jeu. T'étais pris dedans. Ouais. C'est un bon jeu. Disons que t'étais pris dedans et je suis à la fin du jeu parce que je peux rien faire d'autre. Quoi. Je peux faire que l'histoire. Il y a rien à faire à côté. Non, faut pas faire des... Y a pas de... Ils auraient même pu éventuellement faire des quêtes secondaires, des vraies quêtes secondaires. Non, mais des trucs optionnels, des courses ou n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des modes créés par des joueurs? Même débloquer des costumes ou débloquer des trucs. J'avais fini le jeu, je me suis fait, mais il est où le mode freeride? J'ai vu, il y a des mecs qui ont développé un truc freeride, tu peux te balader. Toujours des petits malins. Nickel. Ouais, mais t'as pas les petites quêtes en plus. Non, t'as fait un, tu balais des côtés, des bagnoles. Elder Scrolls, il a fallu 6 épisodes pour avoir une version online multiplayer. Mafia, il faudra attendre Mafia 6. Mafia 6, oui. Donc dans 20 ans, nous parlerons de l'émission des courses de poursuite Mafia 6 online à 10 km à l'heure dans les rues de Chicago. Non, je n'ai plus d'essence. Mafia 2, en passant, il y avait des choses pas mal. Je veux dire, ils avaient repris dans Mafia 1, tu grillais un feu rouge, tu faisais des excès de vitesse, t'as les flics qui te couraient après, c'était excellent. Qui te couraient, parce que eux, ils avaient compris qu'à pied, on ne pouvait pas vite. Quand la version française, les Brigades du Tigre. Mafia 2, ils ont repris l'excès de vitesse. Quand tu as un hit and run, quand tu touches une voiture et que tu te barres et te poursuivent, c'est pareil. Mais des fois, il y a des situations affligeantes. Je veux dire, tu vires un mec d'une bagnole ou tu crochettes une voiture, puis les flics, ils passent, ils te regardent, et limite, ils te font signe, quoi. Je trouve ça affligeant. Ouais, le premier était assez développé à ce niveau-là. C'est dommage qu'ils aient pas récupéré ce qui a vraiment fait marcher le 1 dans le 2. Ouais, les acquis du 1. Disons que le 2 était un peu plus un jeu console au départ, à mon avis. Mais j'ai peur que le 3, on se retrouve avec une daube. Je suis navré. Qui est le code GTA aussi, au final. Bon, bah voilà, GTA... J'étais t'as impatient fait... et quand je vois le délai d'attente entre console PC, comment dire, j'ai été sur le site et j'avais cliqué pour l'acheter, quoi. Et je sais pas, j'ai eu un moment d'oubli total où je me suis dit, voilà, je l'achète, et puis à un moment, il me demande Xbox ou PS. Bah, je suis pas, non, PC. Et il n'y avait pas le choix, et je me dis, ah ouais, c'est vrai, il sort pas sur PC, quelle honte. Voilà, quelle honte. Donc, je pense pas que je vais l'acheter, du coup. Alors que j'aurais été le premier à mettre des sous dedans. Je trouve ça dommage. Et ça commence à être une mode. Hein. Il y a pas mal d'éditeurs qui font ça. Quand je pense à Red Dead Redemption, c'était un bon GTA-like. Peut-être peur que PC ait trop l'habitude. Je l'attends encore. Peut-être peur que l'habitude. Oui, ils sortent en joueurs PC aient trop l'habitude de pirater les jeux. C'est un peu de... Mais je serais content de l'avoir. En même temps, en espérant que GTA, pour une fois, la version PC qui va sortir quand elle sortira. Soit pas buggé comme GTA 4 au départ. Que GTA 4 au départ, ça allait de même, la clé de validité ne fonctionnait pas. On sait même pas. Est-ce que c'est vrai? Ah non, mais c'était grave. Hein. Vraiment, autant jouer à God Simulator. Il était GTA hyper buggé. Je n'attends même plus GTA 5. Il y a eu des patchs, hein, il y en a eu beaucoup. Bonjour à GTA God, quitte à avoir des bugs. S'il faut attendre 6 mois et attendre un mois ou deux de plus pour pouvoir jouer. Si je dois jouer à un jeu de voiture, on se tire dessus en coop et tout, je préfère autant rejouer à... Carmageddon. Mais MMO, comment ça s'appelle? All Points Bulletin, pour ceux qui connaissent. APB, un MMO de... Tu as deux factions, les gens qui sont méchants. Ils sont tous méchants, les flics sont méchants. Mais... Ça n'avait pas été arrêté, ce jeu ou... Non, il est reparti en free-to-play. Ah, le jeu hyper customisable. Même la musique est customisable, etc. Les costumes, les voitures, tout. Dans ce cas-là, quitte à passer pour un jeu où tu conduis et tu tires, autant prendre World of Tanks. Ouais, à l'extrême. Le pire, c'est que j'y ai joué à World of Tanks. C'est un jeu excellent. Apparemment, c'est un très bon jeu. J'ai joué un petit peu. Et il continue de fonctionner. Et quand tu joues avec des amis, en guide, et c'est vraiment un jeu super excellent. Et la suite World of Planes n'est toujours pas sortie officiellement, je pense. Mais... Il a dépensé des sous dans le jeu. Ou pas. J'ai l'impression que dépenser des sous, c'est une action extraordinaire maintenant. J'ai dépensé des sous dans un jeu. Mais là, vraiment, il y avait beaucoup joué. Vraiment, ouais. D'ailleurs, un jeu. Sur World of Tanks, c'est ça le principe du free to play. Si vraiment t'estimes que. Ou tu peux t'amuser. Si c'est parce que t'es un peu plus riche que tes petits copains et puis t'essayes de te la péter parce que voilà, t'as envie d'aller plus vite. Mais du coup, on va se prendre World of Tanks, c'est un jeu complètement gratuit qui est pas trop lourd à installer, qui est assez simple à jouer, où tu peux t'éclater gratuitement pendant des heures. C'est que tu peux demander de plus. Mais j'ai peur que ce soit comme Battlefield Hero, quoi. T'as des mecs qui achètent avec des vrais sous et tu torches tout le monde. World of Tanks, mais qui est un Sherman. Il faut tester. Un Sherman, quoi. Ah, bah c'est sûr que quand tu as un tank de 1914 face à un tank de 1945, bon, c'est pas le cas. Dans World of Tanks, c'est pas le cas. Dans World of Planes, c'est le cas. Tu as un vieux coucou du style du Baron Rouge, je dis, c'est bien. Quand tu as un zéro en face, bon, tu fais des loopings. Tu fais des loopings. Tu essayes d'éviter les balles du pauvre zéro. C'est amusant, c'est vraiment des jeux très bien faits. Et... Où il y a toujours du monde pour jouer, c'est rapide. Surtout si t'es mauvais, c'est très rapide. Et tu peux t'amuser pendant des heures gratuitement. Et... On attend World of Goat. World of Goat. Qui pourrait être sympa. Du combat de chef. Et non pas World of Goo. Non. Qui est déjà sorti. Les jeux de chef. Ouais, pourquoi pas. Alors, je vous propose de faire un petit blind test. Ouais. Et je trouve que ça avait bien marché la dernière fois. Même pas peur. Allez. Même pas peur. Vous avez de la chance que j'étais pas là la dernière fois. Oh, ouais, ouais. Oh. Mon panga. Quand t'as fait, ouais, j'aurais été là, c'est bon, moi je les aurais tous torchés. Attends, le panga, je l'ai revu en une seconde. Le panga, oui. Bah oui. Ah, c'était magique le panga. Envoie. On pensait tous à toi d'ailleurs. Alors, le premier est très simple, mais je veux le nom du. C'est un spécial jeu vidéo. Oh là là. Donc, je veux le nom du jeu. Mais je veux également le groupe. Le groupe ? Oui. Oh là là. Mais là, c'est plus compliqué. Non. Doom. Doom. Laurent a un point. Je veux le groupe. C'est original, ça. Fifi Midi. Pas le groupe, pas sans parler. C'est la musique du jeu. Mais jouez pas. Qui ou par quoi? Ah, c'est un remake. Alors, par des lecteurs de disquettes. Oui. Oh. Eh, c'est bien, c'est joli. On dirait le vrai. J'ai regardé ça, j'ai fait, mais c'est super bien fait. Ah ouais, carrément. C'est vraiment bien fait. Original. J'aurais pas trouvé. Le deuxième va être plus dur. Il faut que j'arrive à couper celui-là. Titanic ? Non, c'est pas un jeu. Version orchestrale. Ah, je connais déjà la mélodie, mais je sais pas c'est quoi encore. C'est un jeu console ? Je donnerai pas un indice. Un indice ? Non. C'est quoi ce bordel? On dirait FF8. Absolument pas. T'as pas mention de numéro. Hein? Ce n'est pas Final Fantasy 8. C'est le... Le 7? Non. On va pas tous les faire. Bah sinon il y a le 9, mais je reconnais pas ça dans le 9. Non, non, c'est plus bas, c'est dans l'enfer des premiers. C'est pas ton préféré, c'est juste un dessous. Le pire, c'est FF5. Mais la musique des meilleurs. Je reconnais. Le pire, c'est que, je viens de me complètement mais eh ben, je crois qu'elle est dans sur 3DS. Elle est dans FF8. Excellent, c'est la même musique sur toutes les musiques de Final Fantasy. À un moment, il y a une danse dans un bal dans FF8 et mais c'est je crois cette que celui-là n'est pas dedans. Peut-être en DLC. Ah, c'est peut-être que la musique était reprise dans le jeu. Il me semble que c'est ça. Je connais pas. C'est une version symphonique, c'est très dur. J'aime moins. Je préfère les versions. Je vais vérifier parce que je suis pas content. Il est dans FF8, j'en suis sûr. Par contre, les adaptations des FF sur Android. Ah. Le 6 dont je suis fan absolu, j'arrive pas à jouer parce que les menus et l'interface, c'est injouable. Je pense que la suivante, on y a toujours. Par contre, quand j'ai réécouté mes blind tests, je me suis dit, c'est quoi celle-là. Donc, je pense qu'elle n'est pas facile. Diablo ? Non. J'en connais, je connais ça. On y a rock ? Géante. Bah si. Géante. Warcraft 2. Oui. Oh. Oh, ça c'est bien. Ça m'avait bien venu. Diablo, on est face. T'étais pas loin, mais je n'osais pas donner d'indice. Autant tu m'aurais mis une musique de World of Warcraft, je l'aurais pas trouvé. Warcraft 2. Ah, inoubliable. Ça doit être le même. Ouais. Ça fait très longtemps que j'ai pas. Petit piège pour la suivante, parce que je te donne un indice quand même. C'est Naruto, je vois. Je sais pas me voir ça. C'est un jeu vidéo ? C'est. J'ai pas dit que c'était un jeu vidéo. Ah, c'est un blind test. C'est un spécial jeu vidéo. C'est lié au jeu vidéo. On parle d'un animé. Oui, ouais, ouais, clairement. Lié à un jeu vidéo. Il n'y en a pas énormément. Ça part de jeu vidéo. C'est un jeu. Un animé spécial jeu vidéo. Mais est-ce que l'animé est basé sur un jeu vidéo ou non ? Oui. Ah, donc c'est quand même lié au jeu vidéo. Pour donner encore un indice. C'est pas du Fatal Fury, non. L'animé est un jeu vidéo. Ça y est, je suis perdu. C'est Fatal ? Un MMO. Non. Okay. Laurent, tu connais la musique en plus, hein? Bah oui, je connais la musique. Un animé basé sur un jeu vidéo? Oui, pas beaucoup, je connais. Un MMO en plus. Sword Art Online. C'est pas Hot? Aksign. Aksign, c'était l'autre. Je suis pas joué. Aksign, c'est le premier animé qui était basé sur. Jouer, j'ai jamais vu ça, mais j'ai. Je connais. Quand j'étais petit, j'écoutais la playlist à François, il y avait ça dedans. C'est tout. En tout cas, le plus connu, qui est basé sur. Qui raconte des histoires de joueurs de jeux vidéo. Depuis, il y a eu Sword Art Online et d'autres jeux. D'autres donc en fait, c'était des mecs qui étaient sur PC, ils se retrouvaient vraiment dans le jeu vidéo et je me demande s'ils se retrouvaient pas bloqués dedans à un moment. T'avais même des mangas. Sword Art Online, c'est le même principe. Les joueurs sont dedans et à un moment, le serveur dit hop, on vous bloque dedans, vous pouvez plus sortir du jeu vidéo. Et ils sont. Physiquement, ils sont dans une espèce de sommeil, coma, etc. Et ils sont obligés de finir le jeu vidéo pour pouvoir sortir du jeu. C'est impressionnant. Ah, j'aime ça. C'est une bonne approche. Oui, c'est pas la version originale. Rémi Tardy. On reconnaît un peu les instruments. C'est son deuxième tube. Non. La basse, normalement, elle doit vous donner un désir. Rick Dangerous. Oui. Non, oui. Je connais que ça. En plus, on en a parlé tout à l'heure. Que ça. Canon Fodder. Oh yes. Oui, je le savais. J'ai reconnu la. T'as honte à moi. Bien joué. Je pensais qu'à là, il allait trouver les deux premières lignes. Non, pas le rythme. Non, c'est chaud. Le rythme, ouais. Le rythme, c'est. Et les paroles. Donc ça, c'est la version originale du thème de fin de Canon Fodder. J'ai pas fini, c'est pour ça. Personne ne l'a fini. Je l'ai aussi, moi. Mais bon. Je l'avais acheté sur PC. Je me demande si quand tu meurs, t'as pas cette musique d'ailleurs. Si, mais t'as pas les paroles comme ça. Les paroles, t'avais pas dans le jeu. Peut-être écrites. Bah ouais. C'est pour ça que j'étais tout perturbé. Canon Fodder, il y a eu des nouvelles versions sur PC. Je crois que la dernière version, il y a eu un 2. Le 2. Et la dernière version, c'est la version 3 développée. C'est le 2 ou 3 développée par un studio russe. Complètement mieux. Oui, mais bon. Complètement mieux. Ça retrouve le même principe, mais ça n'a aucun intérêt. Mais développé par des russes. J'étais tout fou, je me suis jeté dessus. Ah non. On fera une émission avec les pleuré. J'ai pleuré. On va faire une émission de 6 heures, tu veux. Les deux premiers étaient super. Avec Jules, Jules et Canon de la sortir là. Ouais, c'était ça. Donc, j'étais mais content d'avoir trouvé cette version, j'ai trouvé. J'ai plein d'idées de tests qui me viennent dedans. La suivante. Alors là, ça va être test de rapidité, mais j'ai peur que ça soit test de rapidité pour une personne. Bon, le premier qui le blâme, c'est pas mal. C'est pas facile. Arabian Night. Arabian Night, putain. Ah, bien vu. On peut la laisser en entier. Putain, toi, le premier petit truc, c'était. Non, bon. C'est là-bas, oui. J'aurais eu deux secondes de plus, c'était bon. Non, non. C'est des loyales. Pas bâtir Arabian. Je connais pas. Écoutez, c'est là. Écoutez cette basse. On va arriver au solo de basse, là. C'est du quoi, jeu. À quand, les mecs? Un jeu Amiga, un petit jeu de plateforme. Moi je me souviens d'un jeu de plateforme. On dirigeait Aladdin qui devait trouver des. Bon, le mec avec son tapis volant. À l'époque, on a pas mal joué à la démo. On savait faire de la musique à cette époque. Elle est trop fort. Attends, le solo, avec le solo. Laisse le solo. C'est long, dis donc. T'es sûr qu'il y a un solo ? Oui, il y a un solo. Ouais, il est bien grand. Ouais. Attends encore. T'es sûr, arrête. Écoute. C'est beau. Tu voyages. C'est digne d'un album découverte. Et ça reprend. Voilà, c'est magique. Ah, la musique. Attention, suivant. Ça risque d'être un test de rapidité également. C'est pas drôle. J'espère que Laurent y voit pas. Ah, Mafia. C'est Mafia. Toi, tu l'as dit jouer. Alors là. Ah, c'est, il a pas dit Mafia 2, il a dit Mafia 1. Bien joué, bien joué, bien joué. Alors, au départ. La suivante, c'est une édition remasterisée en live. Oh là là. Ouf. Ok. Lors d'une conférence. Challenge accepted. C'est super awesome. C'est Diablo. Je veux plus que Diablo. Si, c'est Diablo, mais c'est plus que Tristram. Ça. Oui. C'est Tristram. Alors, c'est fait lors de la BlizzCon. La BlizzCon. On dit pas la BlizzCon, mais on dit la BlizzCon. Donc, le mec est venu refaire la musique de Tristram pour le Diablo 3. Faut dire que la musique de Tristram, tu l'as écouté une fois, tu l'oublies jamais. Mais j'allais prendre la musique de Tristram, je veux dire, je l'ai relancé, c'est mort, quoi. Non. Et cette version Les instruments. Tout du moins, originale. C'est qu'à la guitare. Le mec est tout seul. À tel point qu'on reconnaît presque pas. Oui, on reconnaît pas. Mais j'ai trouvé ça sympa. Je reconnais la sonorité, mais alors, cette musique, elle est impressionnante. Tu partages les points avec Laurent. La prochaine n'est pas facile, mais on y a tout joué. C'est une version orchestrale encore. Je suis navré d'homme. Voilà. Je te vois déjà râler. C'est pas facile. On y a tout joué. Et beaucoup. Fable. C'est un piège. Ah, GTA. GTA. Ah ouais, direct, quand t'entends ça. Vice City. C'est le dernier sur PC. Ah non, Vice City, je suis con, c'est que des années. L'intro est longue, mais. Ah, Vice City. C'est la meilleure musique de radio dans Vice City. Il la laisse un peu, hein, parce que. Elle est sympa en version. Disons qu'on l'a souvent entendu parce que les chargements étaient très mauvais. La prochaine est facile aussi. Metal Gear. Ouais, c'est... J'étais prêt de quoi. De bons réflexes. Je m'attendais à un petit trou de mémoire. Maintenant, comment je la fais à la guitare donc. Je suis un peu navré que tu trouves parce que je pense que tu vas être très réactif sur le prochain. On aura peut-être d'autres. Je peux pas compter sur moi. Le prochain, je peux compter sur Dom, Alain pour sûr. Laurent, ça va peut-être. Pinball Dreams. Ah oui. Tableau numéro 2. Ça, c'est le western. Non, ouais. La locomotive. Will. Oh merde. Will's on. Steel Wheel. C'est pas la meilleure, mais le beatbox. Non, je préfère le beatbox. Ouais. Pinball Dream ou Pinball Fantasy? Ah, Pinball Dream. Non, ça c'est Dream. Ça c'est Dream. Ouais, oui. Les versions lentes. Ouais. Là, j'ai trop joué. Là, j'aurais retrouvé. Là, non. Là, t'aurais dit Nord et Sud. Même sur iPhone, j'ai trop joué. Ouais, j'ai trop joué. La suivante, je veux l'artiste et le jeu. Je vous dis que c'est un jeu tout de suite. Nine Inch Nails. Oui. Quake. Oh, joli. Belle combinaison. C'est un peu au pif. Parce que le nombre d'artistes qui sont associés à des jeux vidéo, il y en a très très peu. Mais ça ressemble direct à Nine. Donc, j'allais dire soit Nine, soit Quake. Il a dit Nine, j'ai dit Quake. J'ai regardé l'homme, je fais. Non. Il y a très très peu d'artistes, c'est vraiment. Mais c'est vrai, c'est un mec quasiment l'un des seuls. Hein. Et en plus, il a bien fait son boulot, quoi. Ah bah, clairement. Bah. Après, les musiques, bon, c'était sur des, à l'époque, c'était sur des pistes audio. Donc, on en boucle. En fait, j'ai pas reconnu, mais c'est la seule solution possible. C'est la musique de Quake. Non, je peux pas. Mais c'est ça, c'est, tu sens du Quake dans tes oreilles, c'est tout. C'est ça. Non, non, c'était le seul groupe, par exemple. C'est le Quake combien, en passant? Le 1. Le Quake 1. Ah, ah bah, ah, oui, j'aurais pas accepté à la réponse, sinon c'était le mec du Quake 2. Quake 2. Bon, c'est pas forcément un truc que t'écouteras dans ton MP3. Non. Mais la suivante, peut-être. Attends le thème. Tu te demandes les doigts. Je connais quoi? Enfin, je connais. Je ne connais que ça. Je connais la mélodie. Mais je ne sais pas d'où ça vient. C'est terrible. Je connais que ça. Limite du Olivier Tom. On n'a pas fait référence à ça, mais on a parlé du même genre de jeu. Je connais. J'y ai joué, je pense. Un petit indice, il n'y aura pas de match retour. Je te dis qu'on dirait du Olivier Tom. Ah, c'est du Soxer quelque chose. C'est pas Soxer Kill, un truc du genre. T'as un mot bon. Ouais, je veux dire. Soxer quelque chose. Pas vous aider plus, les amis. C'est un jeu de foot? Oui. Il y a soccer, il y a soccer dans le nom. Il y en a tellement. Il y a quand même soccer dans le nom. Il y a soccer dans le nom. Bon, allez. C'est pas Italie 90. Ça m'intéresse pas. C'est pas soccer moi. Soccer 95. C'est avant qu'il faut chercher le mot pas. Mother Soccer. Avant Italie 90. Non, oh, c'est possible. Si vieux. Non, je vois plus là. Je vois l'écran de jeu, je l'ai, mais à l'écran, alors. Bon, juste pour la musique. Je vois l'écran de sélection, je vois tout, mais j'ai pas le mot. C'est impossible. Il y en a trop. Vous allez me faire vendre la mèche? Bah oui. Ouais. Il y en a tellement. Sensible Soccer. Je voyais l'écran, il y a juste le nom qui s'affichait. Je connais pas. Le ballon. Ah non, c'est pas possible. J'ai trouvé le seul truc que je voulais trouver. Je suis content. On arrive bientôt à la fin du quiz. Attention, la suivante. Elder Scroll, ça, c'est du Oblivion, Scroll. Ça c'est du perdu. C'est du Jérémy Saoul. C'est du Jérémy Saoul. Tu dois attendre 10 secondes avant de proposer le prochain. Il a fait tellement de jeux. Pourquoi t'as vu ce que c'était? Ça peut être n'importe quoi. C'est le même Skyrim. Ça, c'est du Elder Scroll. Ce n'est pas Skyrim. 10 secondes avant de proposer. Il en reste plus qu'un. Hein. Il n'y en a plus qu'un. Daggerfall. Non, entre les deux. Et Morrowind. C'est le ce n'est pas Morrowind. Skyrim. C'était où? Ah, on a le droit, maintenant. Ouais. Le NDA était le jeu, mais c'est vrai. C'est vrai qu'elles se ressemblent tellement au bout d'un moment. Bah, disons que c'est vrai que j'étais un peu déçu, je me suis dit merde, elle est encore moins bien que les versions. Bah, Jérémy Soul. On paraît participer peut-être, on sait pas, c'est un peu flou, mais. Oh, on reconnaît le. Oui. Le mec, ça y est, il a eu son. Il y a un faux air derrière de Dungeon Siege. Voilà, c'est normal, c'est Jérémy, ça va. Ouais, c'est vrai qu'il est bon. Il est bon. Ah là, il est déçu, là. Il fait meurtre, là. Je pouvais pas. Je ne pouvais pas. La suivante n'est pas facile du tout. Ah, tant mieux. Mais je vais la mettre en fin, donc je vais en passer une autre avant. Donc, c'est pas la suivante. Donc la difficile sera pour la fin. C'est pas drôle. C'est Noob. C'est Noob. Alors là, Donc Noob, c'est série. C'est une web série. Web série. Okay. De Fabien Fournier par le studio Olydri. On parlera dans la prochaine émission. Ah bon, ça rejoint les Kickstarter. Ah, c'est vrai. Prochaine émission sur les Kickstarter. Donc les projets qui sont financés par des fans. Un crowdfunding financé. Cette version là, c'est le générique de fin. Ah, bon. J'avoue que je n'ai jamais écouté le générique de fin, ni celui de début d'ailleurs, enfin, une fois. Après, quand tu regardes des épisodes, tu passes directement. C'est pas mal. bonne série, mais depuis qu'ils ont financé le film, je ne vois plus rien. Il n'y a plus de news. Non, ils travaillent sur l'autre projet, ils travaillent sur ses livres aussi. Pas bien fourni. Mais c'est dommage qu'ils sortent moins souvent. Moi, le problème, c'est que quand j'ai regardé, ça me faisait penser au Beatleman. Les premiers épisodes, les acteurs, ils sont... Mauvais. Ah, c'est un peu dur de dire pour l'heure. Il n'y a que les effets spéciaux, mais c'est normal. Naturel. Et encore. Ils sont naturels, là. c'est pour être moins méchant, quoi. Naturel. Oh, on était naturel aussi au début. Mais tu n'as jamais regardé Noob, voilà. Hein? Noob, la série. Pas trop. Ouais. Moi, j'étais pris dedans. Le problème, c'est que j'ai maintenant que j'attends les épisodes, je regarde peut-être un peu. Moi, je le vis un peu, la série. Si vous... J'ai tellement attendu, il y a tellement peu de choses qui sont sorties à propos de Noob que j'ai oublié et je lâche un peu. Par contre, dans les derniers épisodes, on a un acteur des Beatomans qui revient. Ouais. Et c'est okay. Le putois. Oh. Rien que pour ça, moi j'étais fou. Ah, le putois! Donc les Beatomans, ça date de... Fou. Longtemps. 90. Avant... Non. Avant quoi? Avant Doom. Non, bien après. Après Doom 2. Non, l'âge du VHS. Début 2000. Début 2000. Non, avant. Non. Avant. Je dirais avant. Avant. Aussi. Avant 2000. Très avant. Les premiers Beatomans. Entre Doom 2 et 2000. Je te parle pas du Beatoman 14. Hein. Non, mais les premiers, si tu parles... Ouais, entre Doom 2 et Doom 3. Jusqu'au 5. Entre Doom 2 et Doom 2. Je parle des premiers. Jusqu'au 5, c'était avant 2000. Après, je suis pas sûr. Avant 2000. À vérifier. Mais j'ai retrouvé cet esprit Beatoman en regardant Noob, mais je trouve vraiment ça. À vérifier. Avec des meilleurs moyens, mais c'est pas difficile. Je crois pas qu'elle remarche. La prochaine va plus ou moins signer la fin de l'émission. Et elle sera pas facile. Et je vous invite à vraiment écouter le style de musique qui vous indiquera sur le style de jeu également. Daniel, je prends bas. Alain est sur la bonne piste. La Lotus. Non. C'est quoi ça? Faut laisser passer l'intro. Trackmania. Oh là là, d'où tu vas me chercher ça, toi? J'ai jamais entendu ça. C'est Trackmania. Ouais, mais dans un Trackmania quand même. Il y a eu tellement de Trackmania. Ah, c'est là. C'est là, le genre musique midi récente. C'est le 2. Ça me fait baisser. Ouais. C'est ça qui m'a fait penser. Le Canyon, ouais, c'est un truc spécifique. Trackmania 2 Canyon. J'en ai entendu ce morceau. Je pense que c'est une belle musique pour ceux qui étaient d'ailleurs. Voilà, c'est la fin de cette émission de l'Another Podcast. On se retrouve pour la prochaine émission. Bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut. Bye.